Chers amis auditeurs de Rage, bienvenue dans Exocet, l'émission dans laquelle vous allez entendre et découvrir des histoires bizarres, étranges, des phénomènes inexpliqués, des informations insolites qui vous retournent le cerveau. À mes côtés, Thomas. Bonsoir Patrick, bonsoir Mika. Derrière les machines, Mika. Salut à tous. Et votre serviteur, donc Patrick, qui va démarrer cette émission d'ailleurs avec une histoire qui est peut-être une des meilleures histoires de fantômes que j'ai eu à raconter depuis le début de cette émission. Et je m'en pourlèche les babines. Si vous vous souvenez de la saison dernière d'Exocet, j'avais raconté l'histoire de la sorcière de Belle, qui est le seul cas recensé dans la justice américaine d'un crime qui a été alloué à un fantôme. Hein. On n'a jamais plus revu ça depuis dans l'histoire de la justice de ce pays. Faut dire que c'est quand même un peu... Voilà. Ça n'arrive pas, tous les jours. Et donc, ça se passait à la fin du 19e siècle. Et donc, un fantôme avait été reconnu coupable d'un crime. Et bien là, je vais vous parler d'une autre histoire unique dans les annales de la justice américaine. Mais il s'agit du seul cas dans l'histoire où un crime a été élucidé par le témoignage du fantôme de la victime. Ça, c'est encore plus fort celui-là. Voilà, c'est le seul cas dans l'histoire de la justice américaine et vous allez voir que c'est une histoire absolument superbe. Alors ça commence en 1897 en Virginie et Zona Easter Shue meurt mystérieusement. C'est une jeune fille, elle a 23 ans et le coroner pense qu'il s'agit de complications lors d'un accouchement au départ. Mais le problème c'est que cette jeune fille n'était même pas enceinte. Et sa mère sent qu'il s'est passé quelque chose d'autrement plus tragique que ça et que cette mort n'est pas naturelle. Alors 2 ans avant la mort de Zona, Mary Jane Easter, qui est donc la mère de Zona, avait passé des moments assez difficiles avec sa fille, puisqu'elle avait accouché en dehors du mariage, ce qui était une honte évidemment en 1800, et elle s'était trouvé un mari à la va-vite, un certain Edward Shue, qui était un forgeron nouveau venu dans le village. Alors, Mary Jane avait un mauvais pressentiment, elle n'aimait pas le fiancé de sa fille, mais pourtant, ces deux-là se marièrent en 1896, et 3 mois après, le 23 janvier 1897, un gamin trouve Zona, donc, étendue sur le sol de sa maison. Il avait été envoyé par Edward pour savoir si elle voulait quelque chose du marché. Alors, le gamin, évidemment, court prévenir sa mère. Il lui explique qu'il a trouvé un corps sur le sol de la maison d'Edward Shue et on convoque immédiatement le coroner, donc le docteur George Knapp. Et le temps qu'il arrive chez Edward Shue, celui-ci avait déjà découvert le corps de sa femme, il l'avait emmené à l'étage, l'avait habillé de sa plus belle robe et lui avait couvert le visage avec un voile. Alors le docteur Knapp essaye d'examiner Zona, mais son mari la serre dans ses bras en pleurant de manière assez hystérique. Et lorsque Knapp remarque une trace étrange sur le cou de la jeune femme, Edward Shue refuse qu'il examine davantage. Alors bizarrement, le docteur notera dans son rapport qu'il s'agit de complications lors de l'accouchement, alors qu'il n'a aucun indice pour expliquer la mort de Zona et qu'elle n'était même pas enceinte. Il n'était pas contraignant, quoi. Et il ne mentionnera pas non plus la marque sur le cou à la police, et donc ces deux détails assez mystérieux, mais qui n'en surgissent pas par la suite, puisque c'est la dernière fois que le docteur Knapp intervient dans cette histoire. Alors Mary Jane, la mère de Zona, toujours, sentait que ce mariage finirait mal, hein, mais pas à ce point-là, évidemment. Et les suspicions qu'elle avait à l'égard de son gendre s'approfondissent le jour de la veillée funèbre. Alors Edward est très nerveux, il refuse que les gens approchent le corps de sa femme. Il lui a mis un gros foulard autour du cou en prétextant que c'était son foulard préféré. Faut pas qu'elle attrape froid. Voilà, il avait également calé un oreiller et un chiffon blanc des deux côtés de la tête de sa femme, comme s'il voulait pas que la tête bouge. Bon, ce qui était assez peu probable étant donné qu'elle était morte. Et à la fin de la cérémonie... On sait jamais, Patrick. À la fin de la cérémonie, donc quand on amène le cercueil, plusieurs personnes notent un relâchement bizarre au niveau de la tête de Zona. Alors, celle-ci est enterrée. Un relâchement bizarre, comme si elle était désarticulée. Ah d'accord, sympa. Alors Zona est enterrée et il n'y a aucune preuve que sa mort n'est pas naturelle. Alors Mary Jane récupère le chiffon blanc qui était dans le cercueil en mémoire de sa fille. Elle s'aperçoit qu'il a une odeur assez bizarre, indéfinissable. Alors elle décide de le laver, elle le trempe dans une bassine pleine d'eau et l'eau devient rouge. Alors évidemment Mary Jane recule de peur, elle est surprise. Puis elle prend un peu d'eau dans un récipient et là elle s'aperçoit que l'eau est redevenue claire. Mais le chiffon en revanche est teinté de rose Et Mary Jane ne parvient jamais à effacer cette couleur. Elle a tout essayé, mais la teinture rose reste donc imprimée sur le foulard. Et évidemment, Mary Jane pense que c'est un message de sa fille qui lui explique que sa mort n'était effectivement pas naturelle. Alors, Mary Jane se met à supplier l'esprit de sa fille dans un accès de folie désespérée. Et elle veut absolument donc que l'esprit de sa défunte fille revienne expliquer ce qui s'est vraiment passé le jour de sa mort. Elle supplie comme ça pendant des semaines. Et un soir d'hiver, Mary Jane voit le fantôme de sa fille apparaître. Alors cette dernière lui explique qu'Edouard est un mari cruel, qu'il a batté, et qu'un soir il a été tellement violent qu'il lui a brisé la nuque. Il a essayé de l'étrangler, il lui a brisé la nuque. Donc elle lui donne des détails sur sa mort, et du coup tous les doutes de Mary Jane sont confirmés. Par ce fantôme, je le rappelle, hein, donc c'est ce que Mary Jane expliquera par la suite. Elle a vu le fantôme de sa fille lui apparaître 4 nuits de suite. Alors elle va voir le procureur local qui s'appelle John Preston, et elle insiste tellement que celui-ci décide de poursuivre l'affaire. Et il fait exhumer le corps de Zona. Il y a une autopsie, et l'autopsie révèle que son cou a été brisé par strangulation. Alors Edward Chu est immédiatement arrêté, et son passé refait surface. On comprend qu'il a toujours été violent, et que sa deuxième femme est morte d'un traumatisme crânien, mystérieux, sans qu'on en découvre la source. Mais dans sa cellule, Edward Chu est décontracté, parce qu'il sait qu'il n'y a aucune preuve le condamnant. Donc Il est assez peinard, il sait qu'il sortira bientôt, puisqu'il n'y avait absolument aucun témoin le jour du meurtre. Alors durant son procès, évidemment, il nie toutes les accusations en bloc, hein, donc il n'y avait pas de témoin, et en plus il était loin des lieux du crime lors de la découverte du corps, mais il restait cependant le témoignage du fantôme, hein, et ça c'est vrai qu'il avait un petit peu mis de côté assez rapidement. Alors il faut quand même savoir que ça se passe à la fin du 19e siècle, mais les gens n'étaient quand même pas demeurés, hein, ils n'ont pas accepté le témoignage d'un fantôme aussi facilement, puisque la cour ne reconnaissait aucune valeur à cette histoire. Mais Mary Jane, la mère donc de Zona, raconte quand même son histoire à la demande de l'avocat de Edward Chu, qui voulait la faire passer pour une folle. Pour une folle, ouais. Donc alors, il se dit, En fait, là, le procès a lieu parce que, effectivement, suite à l'autopsie, on s'aperçoit que le cou a été brisé, etc. Et ça repose pas du tout sur le témoignage de la mère qui dit non, le fantôme m'est apparu. Il m'a dit que c'était ça, que c'était lui, machin. Voilà. En fait, si cette autopsie est pratiquée, c'est parce que le procureur finit par céder aux suppliques de la mère. Mais c'est suite à l'autopsie qui a été faite, qui est rationnelle, et pas suite au témoignage étrange de la mère. Si le mari est enfermé, c'est parce qu'il est suspect, tout simplement. Mais il n'y a aucune preuve qui l'accable. Donc, comme je vous le disais, l'avocat d'Edward Chu demande à la mère de Zona de raconter cette histoire justement pour que le jury la prenne pour une folle et que Edward Chu soit immédiatement libéré pour que tout le monde comprenne qu'en fait il se retrouve sous les barreaux à cause d'un témoignage de fantôme. Mais le problème pour Edward Chu en tout cas, c'est que ça a l'effet inverse sur le jury. Et on ne sait toujours pas si le jury a pris le témoignage du fantôme au sérieux, mais il déclare Edward Chu coupable. Et étant donné les circonstances, il est condamné à la prison à vie au lieu d'être exécuté. Parce que donc, encore une fois, c'est un petit doute. Cette preuve est assez mince quand même, donc il n'est pas exécuté. Et il meurt en 1900 au pénitencier de Moundsville. Alors, à la suite de cette histoire, qui est donc, je le rappelle, le seul cas de l'histoire de la justice américaine où un fantôme a témoigné pour son propre crime, donc, on se dit que si la mère n'avait pas raconté cette histoire de fantôme au procureur, il y a de fortes chances pour que l'autopsie n'ait pas eu lieu et pour que Edward Chu n'ait pas été enfermé. Donc, il y a plusieurs hypothèses dans cette affaire. Soit la mère était tellement persuadée de la culpabilité d'Edward Chu qu'elle a imaginé inventer cette histoire de fantôme pour avoir un semblant de justificatif, de preuve pour l'accuser. Elle a peut-être même fait inconsciemment. Peut-être imaginé inconsciemment. C'est une autre hypothèse. Elle pouvait se dire, si je vais voir le procureur et que je lui dis que c'est Edward Chu sur la seule base de ma suspicion, ça ne vaut rien. Voilà, ouais. Donc, je vais imaginer une histoire. Ah là, tu veux dire carrément, elle aurait calculé le truc en disant, je sais qu'il s'est passé ça, donc je vais essayer de monter un truc. Imaginer une histoire de fantôme pour avoir un mobile surréaliste, mais un mobile quand même. Et ça a débloqué l'enquête qui a abouti à l'arrestation et donc à la condamnation d'Edward Chu. L'autre hypothèse, c'est qu'effectivement, elle s'est tellement conditionnée elle-même, elle était tellement désespérée qu'elle a fini par fantasmer, par halluciner l'apparition de sa fille, et que ce fantôme, entre guillemets, lui a raconté tout simplement ce qu'elle voulait entendre et ce qu'elle croyait depuis le début. C'est une autre hypothèse. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça a fonctionné, les faits sont là, et le criminel s'est retrouvé sous les barreaux. Alors, il y a une plaque commémorative près de Greenbrier, qui dit « Dans le cimetière avoisinant est enterrée Zona Eisterschou. Sa mort en 1897 était présumée naturelle avant que son esprit apparaisse à sa mère pour expliquer comment elle avait été tuée par son mari Edward. L'autopsie sur le corps a confirmé les dires de l'apparition. Edward a été considéré comme coupable et il a été enfermé dans la prison de l'État. » C'est le seul cas dans lequel le témoignage d'un fantôme a permis de confondre le meurtrier. Voilà, il y a une plaque comme ça à proximité du cimetière, et c'est vrai que ça fait son petit effet, c'est assez étonnant. Et vous verrez cette photo d'ailleurs sur le blog d'Exocet très bientôt, quand l'émission sera en ligne, et j'essaierai de la mettre aussi sur le forum d'Exocet, sur le rage.fr. Voilà pour cette histoire de fantôme. Et donc je vous le répète, hein, comme je le disais au début, il y a eu donc deux cas uniques à base de fantômes dans l'histoire de la justice américaine. Le premier, c'est celui de la sorcière de Bell, où un fantôme a été considéré comme coupable d'un meurtre, et celui-là, c'est le seul cas où un fantôme a été écouté, entre guillemets, comme témoin de son propre crime. Et ceci est donc une histoire vraie, mesdames et messieurs. Voilà. C'était sympathique comme histoire. Moi, c'est une de mes préférées. C'est vraiment une jolie histoire. Moi, je la trouve bien. Bon, c'est clair qu'elle est, intrigante, etc. Bon, il y a peut-être eu quand même une erreur judiciaire. C'est possible. Non, mais c'est possible. Peut-être que le mari n'a rien fait. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve. Parce que c'est. Moi, ce que je verrais là-dedans comme troisième hypothèse plausible, on va dire, ça serait que, effectivement, il y ait des traces au départ suspectes. Comme tu l'as dit, le médecin n'en tient pas vraiment compte. La mère le sait, qui a ses traces, etc. Du coup, elle commence un peu à parapsychoter, machin, de désespoir. Elle se crée un espèce de fantôme imaginaire, volontairement ou pas. Elle débloque l'affaire et elle dit oui, machin, c'est son mari, parce que elle, c'est sa conviction, quelque part, intrinsèquement. Mais si ça se trouve, c'est un gars qui passait par là, si ça se trouve, c'est. Alors, c'est vrai, il n'y a pas si de preuve. C'est le médecin, d'ailleurs. Il n'y a pas de preuve tangible, mais le jury s'est probablement basé sur les observations de témoins qui avaient assisté à la veillée funèbre, qui avaient vu le mari c'est vrai qu'il très nerveux, ouais, il qui lui avait calé la tête, qui lui avait caché le cou. Et puis, il y avait son passé, dans lequel on s'est aperçu que donc sa deuxième femme avait été tuée. Tout d'un blanc, coup à la tête, etc. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il s'agit que de suspicions, des suspicions lourdes, mais qui ne sont pas des preuves. Et donc, il a quand même terminé en prison. Donc, le mystère reste complet. C'est clair. Voilà, chers amis, on marque une première pause musicale. On se retrouve juste après avec l'histoire de Thomas. Can't be sable, le décalé, surage. Toujours sur Exo 7, avant le premier morceau, je vous parlais donc de l'histoire du fantôme de Greenbrier, qui est donc le seul cas recensé dans l'histoire de la justice américaine où un fantôme a témoigné dans son propre crime, finalement, au procès de son propre meurtrier. Et donc c'est une histoire vraie, encore une fois, hein. On ne sait pas si, évidemment, le fantôme est réellement apparu à la mère de la défunte, mais en tout cas, ça a abouti à la condamnation du criminel. Et donc c'est pour ça que c'est quand même une histoire assez, assez étonnante. Et Thomas, à présent, va nous parler de quoi donc, mon ami ? De mutilation animale. Oh ! Un autre sujet. Sujet fort sympathique. Alors, mutilation animale, je vous parle d'une série de mutilations animales absolument colossales qui s'est déroulée et qui se déroule encore, hein, qui a commencé en 1967. Donc, sachez quand même que depuis 1967, 10 à 20 000 têtes de bétail, hein, donc c'est quand même une échelle assez vague, mais c'est quand même très important, ont été retrouvées mortes et mutilées. Essentiellement aux États-Unis, bien entendu, un pays où plus généralement se passe ce genre de choses mystérieuses. Alors, les animaux sont retrouvés dans les champs, évidemment, donc comme ils sont mutilés, certains de leurs organes ont été prélevés après une découpe avec un instrument tranchant, hein, donc c'est pas arraché comme par un animal sauvage, c'est vraiment découpé comme au scalpel ou au laser. Et on s'aperçoit après des enquêtes rigoureuse qu'en fait ce prélèvement d'organes n'a pu avoir lieu que par voie aérienne. Pourquoi ? Parce qu'au sol il n'y a pas de traces de lutte et surtout il n'y a pas de sang, ce qui est quand même gênant quand on fait un prélèvement d'organes de ne pas laisser de traces de sang. Il y a vraiment juste l'animal avec donc ses viscères qui ont disparu, son foie, son cœur, enfin différents comme ça, organes intérieurs. Quelquefois c'est le cervelet aussi qu'ils enlèvent ou les yeux. Bref, des éléments étonnants. Et souvent les plaies sont cautérisées. Les plaies sont souvent cautérisées aussi. Voilà, enfin bon, ça fait vraiment comme si l'animal avait été opéré par un chirurgien qui l'avait recousu, etc. Sauf qu'il lui avait enlevé des organes vitaux, qu'il avait bien nettoyé et reposé sans poser les pieds au sol puisqu'il n'a pas de traces. Il avait reposé l'animal comme ça. Mais là, il faut bien expliquer aux gens qui nous écoutent qu'il s'agit de faits avérés, répétés, consignés dans des rapports de police dans le monde entier. Il y a des enquêtes très sérieuses. C'est... D'ailleurs, je vous parlerai un petit peu de ces différentes enquêtes et de ce qui est arrivé aux policiers ou aux enquêteurs qui ont décidé de se pencher sur la question. Et vous verrez que c'est pas gay non plus. Autre détail parfois étonnant qui confirme un petit peu la voie de l'enlèvement aérien, c'est que parfois on retrouve donc ces animaux, ces cadavres d'animaux mutilés à des zones complètement inaccessibles à pied, par exemple des pics rocheux, ce genre de choses, où clairement ils ont pu être déposés soit par un objet volant, soit ils sont téléportés jusqu'en haut. Enfin, il n'y a pas de solution à pied pour y accéder, de façon pratique en tout cas. Alors évidemment, plusieurs hypothèses ont découlé de ces phénomènes. La première, et c'est l'hypothèse officielle qui est retenue évidemment, c'est des animaux prédateurs. La deuxième, ça serait les agissements d'une secte satanique. Mais vous voyez un petit peu quand même le niveau de la secte, je pense qu'on en aura entendu parler. Évidemment, comme dans tout ce genre d'affaires, ça pourrait aussi être un enlèvement d'origine extraterrestre pour certains. Puisque, alors ça aussi détail important, les rares témoins qu'il y a, parce que en général ces faits se produisent sans qu'il n'y ait aucun témoin, les rares témoins qu'il y a eu de ces disparitions, de ces enlèvements, ont repéré parfois, d'après leur dire, des ovnis à proximité. Ovnis qui peuvent être très facilement convaincus, et là c'est les dires d'autres témoins, avec des hélicoptères non immatriculés de l'armée. Qui donc ferait une opération secrète de l'armée. Dernière hypothèse mise en avant pour expliquer ce phénomène-là. Alors je dirais qu'au vu des hypothèses qu'il y a, la dernière est la plus plausible, hein, puisque comme je vous le dis, si c'est des animaux prédateurs, donc ils vont pas recoudre les animaux, ils vont pas les cautériser, ils vont pas sélectionner des organes précis. Les animaux n'agissent pas comme ça. En plus, certaines de ces bêtes mutilées sont complètement vidées de leur sang. Donc pareil, les animaux ne boivent pas l'intégralité du sang d'un animal. S'il avait s'agi d'une secte, je pense qu'on aurait très vite trouvé les membres, parce que pour mutiler un petit peu partout dans le monde, même si c'est essentiellement aux États-Unis, mais ça se produit un peu partout dans le monde, 10 à 20 000 têtes de bétail, ils se seraient forcément fait repérer. Ça demande une organisation quand même assez construite, etc. Les ovnis, c'est une hypothèse qu'on peut un petit peu éliminer d'elle-même, on va dire, puisque quelque part, on peut rester assez convaincu que les ovnis ne viennent pas sur Terre, et s'ils viennent, c'est certainement pas pour cautériser des animaux. La dernière hypothèse, donc, reste celle de l'armée, et qui ferait des opérations secrètes. Et le but de ces opérations secrètes, donc d'après les gens qui soutiennent cette hypothèse-là, serait tout simplement de voir les conséquences des retombées radioactives des essais qui sont faits, des essais nucléaires qui sont faits par l'armée, parce que vous savez qu'aux États-Unis ils font beaucoup d'essais à ciel ouvert, et que effectivement de temps en temps il y a des nuages comme ça qui s'échappent vers certaines zones habitées, et disons que ça serait un moyen facile pour eux de vérifier les conséquences de ces déchets radioactifs, puisque vu que c'est du bétail, ils sont herbivores, et que les herbivores sont les premières victimes des retombées radioactives par voie digestive. Oui, mais enfin c'est vrai qu'on a quand même du mal à imaginer que l'armée puisse enlever du bétail qui ne lui appartient pas, parce que quitte à tester les retombées d'expériences chimiques ou nucléaires, ils peuvent très bien élever leur propre bétail et faire des expériences et prélever leur propre bête. Mais là, donc, on parle d'enlèvement, de mutilation, de bétail qui appartiennent à des particuliers. Exactement, à des fermiers d'ailleurs. Hein. Parce que voilà, vraiment, ce qui est très très intéressant dans cette affaire, comme c'est le cas dans la plupart des meilleures histoires qu'on raconte ici, c'est qu'il y a des faits concrets, des faits avérés, qui ont été consignés, comme je vous le disais, reconnus par la police, il y a des rapports, il y a des enquêtes qui sont menées pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des mutilations et qui les perpétue. Mais ensuite, voilà, les interprétations qu'on peut en faire, c'est autre chose. Libre à chacun d'imaginer ce qu'il veut. Sûr. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est là. Et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Et quand c'est vraiment très intriguant. Et donc, qu'en dehors de ces quatre hypothèses principales, je ne vois pas d'autres explications, on va dire. Moi, j'en ai une, personnellement. Ouais. C'est qu'on peut imaginer, surtout pendant la guerre froide, parce que, bon, c'est... Ça commence en 67, donc voilà, effectivement... Ces cas de mutilation ont démarré durant la guerre froide, mm-hmm. et on sait qu'à l'époque, il y avait une guerre de la désinformation entre les Russes et les Américains, et c'était un petit peu la guerre à l'extraterrestre, c'était au premier qui choperait un ovni, etc. Et moi, je pense qu'on peut expliquer beaucoup d'affaires de la mythologie ufologique, notamment Roswell et d'autres, par ce biais-là. C'est-à-dire qu'ils voulaient convaincre l'autre camp qu'ils avaient trouvé quelque chose et que ça allait pouvoir leur permettre d'acquérir une technologie supérieure. Donc on rejoint quand même l'idée d'une implication militaire. Mais dans le seul but de désinformer ou de créer de la psychose et du mythe. Pas pour se servir réellement de ces organes. Moi, c'est mon idée. Peut-être que je me fourvoie. Mais effectivement, en tout cas, même si c'est pour créer des preuves de l'existence des extraterrestres aux États-Unis, peu importe sur quel billet on prend, de toute façon, que l'armée se permette de faire des choses comme ça, ça serait purement et simplement scandaleux. Il y a aussi un autre élément dont t'as pas parlé, c'est que parfois, dans certains cas, on pense que les bêtes ont été lâchées d'une grande hauteur et qu'elles se sont brisées les pattes, ont fait des fractures. Donc j'allais en parler pour terminer sur les détails des bêtes. Il y a plusieurs éléments qui sont un petit peu troublants dans l'affaire. Le premier de ces éléments, c'est que sur certains animaux, on a repéré des traces qui n'agissent que à la lumière ultraviolette, qui sont posées sur le dos, donc une espèce de peinture réactive comme ça à la lumière ultraviolette, qui permettrait donc éventuellement, on pourrait supposer cette hypothèse-là, de repérer l'animal la nuit grâce à un projecteur qui enverrait donc des UV sur le champ ou sur la prairie dans lequel est l'animal, et donc comme ça de le repérer la nuit. Comme tu dis, les animaux aussi qu'on a retrouvés effectivement ont été lâchés d'auteurs très importantes, donc ça on le sait parce qu'ils ont parfois les os brisés, les côtes brisées, qu'on retrouve des branches d'arbres sous eux qui confirment donc qu'ils ont été lâchés au-dessus des arbres, etc., et que dans leur chute ils ont entraîné des branches avec eux. Et on retrouve aussi sur certains animaux des traces de liens au niveau des pattes, des traces de liens en acier, un peu comme s'ils avaient été élitreillés. On retrouve quand même comme ça pas mal d'éléments assez troublants, des traces de sangles aussi sous l'abdomen, pareil comme s'ils avaient été soulevés du sol. Bref, c'est assez intriguant. Et donc vous imaginez bien que ces affaires, à chaque fois qu'elles arrivent dans un comté, soulèvent un petit peu l'émoi de la population, et que donc des enquêteurs se penchent sur le sujet pour essayer de déterminer ce qui pourrait être la cause de ce génocide bovin, je le qualifierais comme ça, puisque 10 000 à 20 000, c'est énorme, hein, c'est tout simplement énorme. Alors il faut savoir que les rares enquêteurs qui ont réussi à aller assez loin dans l'enquête se sont toujours quand même butés à l'armée, qui au final sortait le secret défense pour arrêter de répondre aux questions. Et que la plupart d'entre eux, d'après leur dire en tout cas, ont reçu régulièrement par la suite des menaces de mort, ont été mutés en Alaska, comme on dit, parce qu'ils devenaient un petit peu trop gênants. Ah ouais. Enfin, on sent qu'il y a quand même quelque chose derrière qui perturbe en tout cas le corps militaire dans son ensemble, qui essaye de dissimuler en tout cas ce qui se produit. En tout cas, comme dans tous les phénomènes qui prennent une véritable importance culturelle, il y a fort à parier que certains cas de mutilation étaient le fait de plaisantins qui voulaient faire des canulars et qui ont reproduit donc les éléments habituels de ce type de d'événement, donc voilà, mutilation de bêtes, prélèvement d'organes, etc., cautérisation. Et on peut imaginer, tout comme les crop rings, donc ces traces qu'on voit dessinées dans certains champs de blé et que on a loué au début. Exactement, aux extraterrestres, oui. Peut-être que là aussi, il y a des gens qui ont voulu alimenter le mythe et qui ont fait leur propre mutilation de bétail. Possible. Élément quand même un peu qui contredirait un petit peu cette hypothèse-là, c'est que, effectivement, comme je vous l'ai dit, alors peut-être effectivement que c'est parce qu'on n'a pas bien cherché, etc. Mais donc, d'après les gens qui ont fait les enquêtes sur place, il n'y a aucune trace au sol de quelqu'un qui serait arrivé jusqu'au cadavre. Donc, pour le déposer par voie aérienne, ça nécessite quand même des moyens, il me semble, relativement importants. Et donc, disons qu'un plaisantin ne va pas louer un hélicoptère pour porter une vache. En plus, il n'arriverait pas à le faire discrètement parce qu'il a besoin de donner son plan de vol, etc. C'est sûr. Donc voilà, et comme au sol, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de traces de pas, il n'y a pas de traces d'engin, il n'y a rien du tout. C'est vraiment comme si donc le bovin avait été posé là, enfin lâché plutôt là, puisqu'il est lâché en général de plusieurs mètres de hauteur. Alors, comme il n'y a pas de témoins, beaucoup pensent effectivement que l'armée utiliserait ces fameux hélicoptères silencieux, qui sont assez nombreux aux États-Unis, hein, qui surveillent même la circulation dans les villes, la criminalité, etc. C'est ces fameux hélicoptères qui font pas de bruit, qui ont un système de pales qui leur permettent d'être totalement silencieux. Et donc c'est vrai que ça pourrait permettre d'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de témoins, et pourquoi surtout parce que par la suite, évidemment, les fermiers ont commencé un petit peu à se révolter et à s'organiser comme ça pour essayer de lutter contre ceux qui enlèvent leurs bovins, tout simplement. Et donc ils ont organisé comme ça des tours de garde dans leur propre champ, fusil à la main, pour tirer en gros tout ce qui viendrait du ciel. Et malgré cette surveillance accrue qu'il y a eu pendant une période, ça n'a pas empêché certains animaux de se faire enlever quasiment sous leurs yeux. Et eux disent, mais j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Voilà, vraiment comme si l'animal s'était évaporé et qu'il était revenu comme ça, lâché et mutilé. Mais merci Thomas, c'est vraiment une histoire incroyable et qui dure depuis donc une quarantaine d'années. On n'a toujours pas d'explication, ça reste un mystère, et je pense que ça risque de rester un mystère encore longtemps. En tout cas, voilà, un fait concret, inexplicable, c'est du pain béni pour Exocet, vous l'avez compris. On marque une deuxième pause musicale, et après je vous raconterai l'histoire du double d'Émilie Saget. I've been watching you, waiting for the ride. Moment to make the first move. Do you wanna know why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been concealing you for too long. change all things around. I've been conceiving you for too long. I've grown used to that. Exocet, vous êtes sur Rage. Les deux premières histoires, je vous le rappelle si vous nous rejoignez à l'instant, c'était l'histoire du fantôme de Greenbrier et Thomas, en deuxième partie, nous a parlé des mutilations de bétail qui durent depuis une quarantaine d'années et qui sont inexplicables avec prélèvement d'organes sur des animaux, cautérisation de plaies, vidage de sang... Et ça reste totalement énigmatique et totalement avéré et rapporté donc par des policiers, donc voilà. Et la troisième histoire de cette émission, c'est l'histoire du double d'Émilie Sagé. Alors avant de vous raconter cette histoire, je vais vous parler d'un mythe qui nous vient d'Allemagne, c'est le mythe du doppelganger. Et dans la mythologie allemande, c'est un double fantomatique d'une personne. C'est un mythe qui a été repris aussi pas mal de fois dans la culture populaire. Et c'est un mauvais présage, hein, dans la culture ésotérique en tout cas. C'est un signe d'une mort prochaine. Et c'est également un phénomène psychopathologique où le sujet perçoit un double de lui-même. Donc ça existe en psychiatrie. Et apparemment, c'est assez rare, mais ça survient lors de troubles de l'hémisphère droit. Donc lors de traumatismes cérébraux. Et Guy de Maupassant, par exemple, a rapporté avoir vu son double dans une nouvelle, hein, qu'il a appelé lui. Et Goethe aussi, le grand écrivain allemand Goethe, aurait également vécu ce phénomène, ainsi que Catherine de Russie, qui aurait ordonné à ses gardes de tirer sur ce double. Donc voilà pour la mise en place de la mythologie du doppelganger. Mais le cas le plus fascinant et le plus documenté de doppelganger, c'est celui d'Émilie Sagé. Et cette histoire donc se déroule au 19e siècle. Alors en 1845, Émilie Sagé a 32 ans. Elle est engagée dans un institut de jeunes filles en Lettonie pour y enseigner le français. Alors tout se passe très bien, elle a de bons rapports avec le personnel de l'établissement et les élèves, qui sont 42 dans le pensionnat. Et au bout de quelques semaines... plusieurs phénomènes bizarres commencent à se produire. Alors déjà, des élèves prétendent avoir vu Émilie Sagé à deux endroits quasiment au même moment. Le jardinier de l'établissement la voit dans la cour, puis va dans le réfectoire et la trouve entourée de ses collègues, puis il retourne dans la cour et il retrouve la jeune femme qui se balade. Donc quand il essaie de lui parler, elle ne répond pas et elle continue son chemin. Donc la rumeur commence à enfler, il y a des histoires bizarres qui se déroulent autour de ce professeur Émilie Sagé. Et plus tard, alors qu'Émilie est au tableau pour donner un cours de grammaire, les jeunes élèves, les jeunes filles, aperçoivent son double qui imite à la perfection les gestes de leur professeur. Alors Émilie Sagé, tout à coup, se sent fatiguée, elle doit s'asseoir pour continuer le cours, et quand elle se retourne, elle voit que le visage de ses élèves est blême, forcément, et elle comprend que ses élèves viennent de voir la manifestation de son double, parce qu'elle est au courant du phénomène, mais vous verrez après. Alors, la manifestation la plus incroyable arrive un petit peu plus tard. C'est déjà pas mal, ça, quand même. C'est déjà pas mal, mais la plus folle des trois arrive juste après. Donc, les jeunes filles sont en cours de broderie, et elles sont surveillées par une de leurs professeurs. Alors, par la fenêtre, elles peuvent apercevoir Émilie Sagé, hein, qui se promène dans la cour, et à ce moment-là, le professeur qui les surveille est obligé de s'absenter, donc Émilie Sagé vient prendre sa place. Les élèves se tournent vers la cour et ils aperçoivent Émilie Sagé qui a l'air tout à coup très fatiguée, mais pourtant c'est bien la même Émilie Sagé qui se trouve devant elle, en train de les surveiller. Alors certaines élèves qui sont quand même très intriguées se lèvent, elle se met à entourer Émilie Sagé, qui se trouve totalement immobile et silencieuse devant la classe. Alors les quelques élèves qui l'entourent se mettent à la toucher pour se rassurer, hein, comme si elle croyait rêver. Et le corps, bizarrement, semble être vide de toute consistance et il disparaît après avoir été traversé par les mains des élèves. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, les élèves commencent à être vraiment traumatisés par cette affaire. Elles commencent à quitter l'établissement, terrifiées par l'étrange double. Et l'effectif du pensionnat passe alors de 42 à 12 élèves, carrément. Ouais. Alors évidemment, ça force le directeur à se séparer d'Émilie Sagé. C'est assez compréhensible. Alors il lui parle des rumeurs qui circulent dans l'établissement, des différentes raisons évoquées par les élèves qui quittent le pensionnat. Et là, Émilie Sagé s'effondre et elle lui avoue qu'elle s'est déjà fait renvoyer 19 fois pour les mêmes raisons et que ça lui arrive depuis qu'elle a commencé à enseigner à l'âge de 16 ans. D'accord. Alors il faut savoir que l'histoire d'Émilie Sagé nous est parvenue par une de ses élèves qui s'appelait Julie Van Guldenstube, qui était issue d'une famille noble de Lettonie. Et c'est elle qui met son professeur licencié donc en contact avec le parapsychologue russe Alexander Akazov, parce que donc, je le rappelle, on est à la fin, enfin la moitié du 19e siècle, et c'est une période où la parapsychologie, les médiums sont très prisés, sont très courus, et c'est une époque où les gens croient assez fort d'une manière générale aux fantômes, aux tables qui tournent, à l'ésotérisme, etc. À la parapsychologie. Donc ce Alexander Akazov est assez célèbre à l'époque et il trouve à Émilie Sagé un nouveau travail en Russie. Alors elle est engagée. Ah oui, voilà, tu m'étonnes, mais elle n'est pas engagée comme magicienne, elle est engagée comme préceptrice auprès d'une famille. Mais un jour, sa patronne meurt assassinée. Et des témoins affirment avoir vu sortir le soir même de cette maison Émilie Sagé. Alors, celle-ci évidemment clame son innocence et elle assure qu'elle se trouvait dans une maison à 50 km de là au moment du meurtre. Et heureusement, elle est innocentée grâce à des témoignages de plusieurs personnes qui se trouvaient avec elle dans cette maison à 50 km ce jour-là. Donc, effectivement, elle n'était pas là. Et pourtant, il y a bien eu un meurtre et des gens ont vu Émilie Sagé. Donc, on peut conclure de cette histoire que c'est le double qui aurait assassiné la patronne d'Émilie Sagé. Alors, il y a de nombreux écrivains qui se sont penchés sur cette histoire, dont l'astronome français Camille Flammarion. Mais le mystère reste encore aujourd'hui totalement opaque, hein, on ne sait pas plus sur cette affaire. Et il faut quand même rappeler, bon, c'est vrai que c'est une belle histoire qui est devenue une légende depuis, mais il faut rappeler qu'elle a été rapportée, comme je vous le disais, par une élève, hein, donc qui s'appelle, je vous le rappelle, Julie Von Goldenstube, et on peut se dire que cette jeune fille voulait faire son intéressante, peut-être qu'elle a surtout imaginé... Surtout moi, je la connais un peu perso. Voilà. On peut penser qu'elle a imaginé enjoliver cette affaire. Il y a des problèmes avec l'alcool quand même. Ouais. Donc voilà. Déjà au collège, j'ai mitonné. On peut imaginer ça, mais on peut imaginer aussi qu'il s'est vraiment passé des phénomènes inexplicables et mystérieux dans ce pensionnat de jeunes filles au milieu du 19e siècle en Lettonie. En tout cas, le mystère reste entier. C'était, et mesdames et messieurs, l'histoire du double d'Émilie Sagé. Voilà. Bien, bien intriguant. On va marquer une troisième pause musicale après laquelle Thomas nous parlera d'un mystérieux volcan. Mystérieux, oui, enfin d'un volcan en tout cas qui a à son actif plusieurs tristes records et un record, je pense, qui va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et qui va vous intéresser. Très bien, on marque cette pause musicale, on se retrouve juste après, restez avec nous. In my On passe à la quatrième histoire de cet exocète, et c'est Thomas qui s'y colle. Thomas qui nous parle donc d'un volcan, mais pas n'importe lequel. Non, un volcan bien mystérieux, mais juste avant ça, tu voulais pas préciser que la dernière histoire avait eu pour conséquence la réalisation d'un film ? Non, tu t'en fous ? Je sais pas, t'as dit « je vais leur dire », machin, et finalement... Je vais leur dire, parce que déjà, d'une part, je vous aime et je vous apprécie, chers auditeurs. Attends, Patrick, on peut leur faire des bisous. Voilà, et d'autre part, je vais jusqu'au bout de ma conscience rédactionnelle journalistique, donc je tiens à vous préciser qu'il y a eu un film adapté de l'histoire donc d'Émilie Saget que je vous ai raconté juste avant le morceau qu'on vient d'écouter, et ce film s'appelle Leap in the Dark, il a été réalisé dans les années 70, donc voilà, il y a un film si l'histoire vous a intéressé. Voilà, comme ça l'info est complète, je vais partir plus léger sur mon histoire. Alors c'est le volcan mystérieux entre guillemets de l'île de Satsuma Iwoshima. Alors vous doutez bien que d'après le nom, c'est un volcan qui trouve en Pologne. En Pologne exactement, qui se trouve au Japon, enfin proche en tout cas de la péninsule japonaise. Alors qu'a-t-il de mystérieux ce volcan ? Eh bien d'abord, il a plusieurs tristes records entre guillemets à son actif. Mmh. D'abord, c'est le volcan qui pollue le plus au monde, puisque chaque jour, le volcan dégage autant de gaz toxiques que plus de 2000 usines à lui tout seul. Donc voilà, déjà, c'est rien que ça, c'est absolument colossal. Mais vous allez voir que, en fait, ça, on lui reproche pas beaucoup, puisque en son sein, il regorge de nombreux trésors, trésors scientifiques et trésors tout court, puisque ce volcan produit de l'or, et je vous en toucherai des mots plus tard. Touche-nous des mots. Je vais vous toucher des mots, ouais. Je vous en toucherai un mot plus tard, c'est ce que je voulais dire. Alors, déjà, cette péninsule compte 150 habitants qui vivent donc au pied du volcan, qui connaissent une agriculture plus que très florissante, puisque comme à chaque pied de volcan, la terre est extrêmement fertile, donc ils profitent un petit peu de ce volcan, en tout cas quand il est à l'état calme. Alors, quelques milliers d'années, une éruption a été telle de ce volcan qu'elle a réussi à ravager une île juste à côté, quand même espacée de plusieurs centaines de kilomètres par la mer, et que rien que l'éruption a réussi à ravager complètement cette île qui est maintenant quasiment déserte et qui a quasiment disparu. Donc une explosion absolument colossale s'est produite. Et en plus de ça, donc, le cratère qui a été créé par cette explosion a créé une espèce de petite vasque où la mer s'est engouffrée, et cette île maintenant se retrouve avec une espèce d'immense lac artificiel, enfin lac naturel artificiel entre guillemets, créé par ce volcan, extrêmement riche en poissons, etc. Bref, c'est du vrai pain béni pour les habitants qui habitent sur place. Alors si le volcan a été très dangereux à une époque, aujourd'hui il est catalogué dans la rubrique des volcans calmes entre guillemets, et donc les scientifiques s'y précipitent parce que il permet par les recherches de découvrir pas mal de choses, notamment c'est un des volcans où on peut s'approcher le plus près des fumerolles, donc déjà ça les intéresse. Ensuite il produit énormément de soufre, de minéraux divers, etc. qu'ils peuvent étudier, et par-dessus le marché il a en plus un mini cratère qui communique directement avec la mer. Bref, il réunit vraiment tous les types de volcanisme en un seul endroit. Donc c'est vraiment pour les scientifiques un endroit parfait pour étudier le volcanisme, et donc ils se précipitent régulièrement là-bas pour étudier les différents gaz qui en émanent et les minéraux, etc. Alors, le mystère par contre qui entoure ce volcan-là, c'est donc sa production d'or, puisqu'il faut savoir que ce volcan, depuis maintenant des milliers d'années, produit exactement, et c'est vraiment au gramme près, 100 kilos d'or par an. Et ni plus ni moins, et c'est exactement à chaque fois quasiment à la masse molaire près, 100 kilos pile poil qui sont produites. Alors ces 100 kilos ne sont pas exploitables parce qu'ils se retrouvent complètement dans l'enceinte même du volcan, donc c'est quasiment impossible d'aller les récupérer, en tout cas pas avec des moyens, des machines, etc. Donc imaginez que là, ça fait des milliers et des milliers d'années que tous les ans 100 kilos d'or sont produites et qui sont restées là pour l'instant au fond. Donc vous imaginez la quantité d'or qu'il y a au fond de ce volcan, ça doit être tout simplement colossal. Alors par contre, si vous êtes intéressé pour aller récupérer cet or, il faut quand même savoir que les gaz qui sont émis par le volcan sont hautement toxiques, puisqu'ils détruisent même les appareils de mesure des scientifiques en quelques minutes. À partir du moment où ils sont sortis d'un compartiment étanche, tout se retrouve complètement rongé. Donc il faut y aller avec des combinaisons très spéciales qui ont d'ailleurs été dessinées est conçu vraiment rien que pour partir explorer ce volcan et que les scientifiques eux-mêmes ne peuvent pas rester plus de 10 minutes sur place avec ces combinaisons, tellement les émanations d'acide sont dangereuses, etc., pour leur santé. Et donc, pour y accéder, il faut quand même que vous comptiez 700 mètres d'escalade à pic, donc parmi ces gaz acides. Donc ça explique aussi pourquoi ces tonnes d'or n'ont jamais été exploitées. Mais donc voilà, il y a un trésor comme ça enfoui au sein de ce volcan qui représente des milliers de kilos d'or pur. Et alors, rappelle-nous le nom de l'île. Alors l'île en elle-même, c'est l'île de Satsuma Iwoshima. Alors c'est pour ça que je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas avec le film Mémoire de nos pères qui relate la bataille d'Iwo Jima. Peut-être que le volcan fait partie du film, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. C'est possible. Bon, en même temps, il y a énormément d'archipels et d'îles au Japon. Enfin, c'est vraiment une zone hautement volcanique, donc on trouve comme ça des petits bouts de terre un petit peu partout. Mais en tout cas, c'est possible, effectivement. Parce qu'en plus, géographiquement, effectivement, ça occupe une place plus ou moins stratégique, je dirais. Et au Japon, il y a des îles comme ça qui sont composées de déchets. Et ça, c'est quand même assez fort. Parce qu'ils savaient plus quoi faire avec leurs poubelles, ils en ont fait des îles. Je trouve ça très malin, parce que c'est vrai que sur le plan social, devoir dire « moi je vis sur un tas de poubelles », c'est moyen, mais c'est écologique. En tout cas, c'est fort d'avoir trouvé un moyen pour se débarrasser de ça, tout en créant finalement de l'espace. Écologique par contre, je sais pas, mais oui, je sais pas non plus. C'est malin, en tout cas. Voilà, merci Thomas pour cette histoire de volcan. On marque une pause musicale et on passe juste après aux infos insolites et bizarres de la semaine. Swells up and he dies. voici de retour dans Exo 7. On passe aux infos bizarres de la semaine. Tout ce qui s'est passé d'étrange, d'insolite à la surface de la planète, eh bien, c'est à présent que je vais vous le conter, chers amis. Donc une sélection triée sur le volet. On commence avec une histoire qui se déroule à York, en Angleterre. C'est une femme qui s'appelle Nathalie Summers et qui appelle un plombier parce qu'il y a du bruit dans son système de chauffage. Alors, tout simplement, elle appelle ce plombier qui se déplace. Elle lui demande de vérifier les conduits de chauffage. Tu veux vérifier ma tuyauterie ? Alors, ce plombier monte à l'étage. Il ouvre la trappe qui mène au grenier. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Un homme qui le regarde dans les yeux, puisque, en fait... Un homme à poil. Un SDF vivait là depuis des mois. Il vivait dans le grenier de cette femme. Le putain de flip. Et elle ne s'en doutait pas, voilà. Donc, tous les bruits qu'elle pouvait entendre, ça venait d'un homme qui vivait au-dessus d'elle. Alors on se demande vraiment comment il se débrouillait pour se nourrir. Peut-être que parfois il faisait quelques excursions dans la maison quand la famille était partie pour grignoter. Peut-être que des fois il se demandait mais qui a piqué le fromage, qui a piqué le pain. Mais qui a bu dans mon bol? Voilà. Qui a dormi dans mon lit? C'est le SDF. Donc voilà. Et c'est pas boucle d'or. À savoir qu'il est parti sans demander son reste. Il a pas essayé de lutter ou de se battre. Donc c'est. Bon, c'est bon, je m'en vais. Voilà. Y a pas vraiment parce que je le veux. Y a pas eu de drame. Alors la deuxième histoire. Se passe à Lamplough, c'est dans le nord de l'Angleterre. Et en fait, donc, il y a eu... oui, c'est Lamplough. Le nom est insolite. C'est vrai que le nom est le drôle, je l'admets. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Lamplough? Eh bien, il y a eu une campagne d'histoire locale, en fait. Ils ont essayé d'exhumer de vieux parchemins, de vieux manuscrits. Et ils ont découvert donc des manuscrits de lois, notamment de rendus judiciaires de l'époque, d'il y a 450 ans, donc des rapports de procès qui datent du XVIIe siècle. Et donc, par exemple, on a 4 personnes qui ont été effrayées à mort, hein, qui sont mortes après avoir vu des faits. Donc voilà, ça se passe entre 1656 et 1663. Donc on a une personne qui a été emmenée dans un lac par un feu follet et qui s'est noyée. Et on a, alors attendez, c'est pas tout. J'aime bien les explications. En fait, le gars, donc, il a voulu nager, il s'est noyé. Ah oui, les autres, ils ont fait des attaques cardiaques, elles sont tombées. Alors c'est pas tout. On a des cas, donc, évidemment, de sorcellerie, de gens condamnés pour usage de la magie noire, etc., etc. Et c'est vraiment drôle parce que ça nous ramène à une époque d'obscurantisme où, effectivement, quand quelqu'un mourait d'une crise cardiaque, eh bien, c'est parce qu'il avait vu un feu follet. Et quand quelqu'un vivait un petit peu seul, reculé dans une cabane et qui se faisait pousser la barbe, c'était forcément un sorcier. Et l'archiviste qui s'appelle Anne Rowe, qui a donc exhumé ce manuscrit, disait qu'elle a jamais vu un truc pareil, et elle explique que donc au XVIIe siècle, effectivement, c'était une époque de temps assez dur, hein, où les gens n'étaient pas en sécurité, où ils avaient un petit peu peur de tout. Et ils avaient tendance à expliquer des morts inattendues ou inexpliquées ou des comportements bizarres par des mythes, tout simplement, des mythes locaux, folkloriques, donc des fées, des feux follets, et, etc., etc. Et il y a aussi des comptes rendus de duels à coups de poils à frire. Pardon. Donc c'est assez fou, ça nous permet d'imaginer vraiment une époque presque caricaturale. On croirait les Monty Python, mais non, c'est vrai, ça se passait donc. It's a witch. Voilà, ça se passait au XVIIe siècle à Lamplough. Alors ensuite, on fait un détour par la Roumanie. Mais quelle insolite d'actualité, Patrick. Ah bah oui, c'était de la beauté. En Roumanie, une femme s'est vue envoyer le corps de son père par la poste. Alors explication, elle s'appelle Aurelia Senuza. Et seul colis ou plusieurs? Alors, elle explique qu'elle pensait que le prêtre se foutait de sa gueule quand il lui a dit que si elle ne venait pas collecter les os de son père Rafaela Kokogiarus parce que le cimetière était racheté par une entreprise, eh bien, il lui serait envoyé par la poste. Et Senuza nous explique qu'en fait, il y a quelque temps, elle a joué à la loterie et quand elle a reçu un gros paquet énorme devant sa porte, elle pensait qu'elle avait gagné quelque chose, mais quand elle a ouvert, elle a trouvé donc une caisse qui contenait les restes de son père. Voilà. C'est sympa. Alors la là, donc elle explique qu'elle avait dit au prêtre de vendre la tombe des ossements, de vendre la tombe de son père, et elle espérait donc que l'Église enterrerait les restes ailleurs, mais elle pensait absolument pas que le curé était sérieux quand il lui a dit qu'elle recevrait le squelette par la poste, et c'est ce qui s'est passé. Donc là, elle a l'intention de poursuivre les représentants de l'Église locale, les officiels de sa paroisse, parce que évidemment, elle a eu quand même un sacré choc émotionnel et psychologique. Il y avait même pas un mot avec rien. Non, même pas. Vous voyez, trouver le 6 juin. Donc, une histoire qui se passe à Moscou. Alors, c'est un homme qui s'est fait arrêter par la police parce qu'il avait, il avait beaucoup bu. Hein. C'est étonnant à Moscou. Et oui. Oh, ça n'engage que toi, hein, s'il y a des auditeurs russes qui nous écoutent. Et alors, de toute façon, c'est grillé avec la moitié de la planète, Patrick. C'est vrai. Oui, cet homme donc, qui explique à la police qu'il a bu un demi-litre d'alcool de blé. À peine. Et alors que la police donc, commence à écrire tous les papiers donc, pour lui confisquer la voiture, l'homme met ses clés dans sa bouche et il essaye de les avaler. Alors là. Vous mourrez. Voilà, alors là, il y a un des deux officiers qui a peur pour la vie de l'homme, hein, et qui essaye donc évidemment de récupérer les clés dans la bouche de la personne, et la personne en question essaye de mordre l'officier, voilà, il le mord, et donc finalement il a été inculpé de refus d'obtempérer, ouais. Hein, tout simplement, et même pas de morsure à un agent de police. Agent, ouais. Donc voilà. Mais j'ai eu peur que ça soit un peu plus gore, tu vois, carrément qu'il mutile. Ah non, il a juste mordu, c'est pas aller plus loin que ça. D'accord. Une histoire qui se passe en Géorgie, qui s'est passée en Géorgie, c'est un homme qui a été arrêté après qu'il ait essayé de faire rentrer sa femme dans le four à Thanksgiving devant ses 5 enfants quand même. Faut regardez, préciser. C'est pas compliqué. C'est étonnant, Géorgie. Elle rentre la dinde. Alors. L'homme s'appelle Martin Jackson et lui et sa femme de 29 ans étaient séparés donc depuis le mois de juillet. Et donc Monsieur Jackson apparemment a commencé à se disputer avec sa femme alors qu'elle rentrait avec ses enfants dans sa maison de Conyers, où elle n'habitait plus avec son mari. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire à l'occasion de Thanksgiving. Donc il est venu un petit peu lui chercher des poux dans la tête, et à un moment donné ils ont commencé à se battre. Et là Jackson a carrément pris sa femme et il a essayé de... Enfin, c'est pas drôle, hein. J'ai essayé de la mettre dans le four, tête première, et donc elle a réussi à s'échapper quand même, et évidemment elle s'est précipitée au bureau du shérif. Le shérif a pu constater qu'elle avait effectivement quelques traces de brûlures sur le visage, et ils ont retrouvé Jackson qui se cachait sous le lit de sa mère, hein, la bonne planque, chez laquelle, ils trouveront pas. Voilà, chez laquelle il avait déménagé depuis le divorce. Donc voilà, il était caché sous le lit de sa mère. Bon, je rappelle qu'il avait une bonne quarantaine d'années. Je suis bien caché. Voilà, ça se passait en Géorgie. Je l'ai pas vu. On retrouve la suite et la fin des infos bizarres après cette ultime pause musicale. Restez sur Rage. Arrêtez, non, trop. Arrêtez. Le bizarre, l'inclassable, le décalé, surage. Et voici venue la dernière partie d'Exocet, et c'est donc la suite des infos insolites qui se sont déroulées à la surface de notre bonne planète, chers amis. À Miami, un shérif... Plusieurs shérifs, d'ailleurs plusieurs adjoints au shérif pour être précis, ont sauvé un homme qui se baignait dans un lac en pleine nuit, à poil et défoncé au crack. Alors, mais non, il avait été enlevé par un faux-follet, Patrick. Alors, pourquoi, il a vu des faits. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés secourir cet homme-là ? Eh bien tout simplement parce qu'il a été attaqué par un alligator. Et il a quand même perdu, cet homme, dans la bataille, son bras gauche. Il a le bras droit cassé et il s'est quand même bien fait déchiqueter la jambe gauche. Alors, donc... Je vous réexplique les faits. Il était donc défoncé au crack. Il s'est déshabillé. Il a avancé dans ce lac qui est, parce que ça se passe en Floride, dans les Everglades, tout ça, c'est riche en crocos. Et puis quand il s'est fait attaquer, il a commencé à hurler. Des gens ont entendu. Ils ont appelé la police. Les adjoints au shérif ont débarqué très vite, manifestement, parce qu'il n'était pas encore mort. C'est clair. Ouais. Et là, comme évidemment, ils pouvaient pas tirer vu que c'était dans le noir et qu'ils avaient peur de choper le mec, ils sont descendus dans la boue à 4 et ils ont réussi à neutraliser le croco au péril de leur vie parce que le croco pouvait balancer un coup de mâchoire et voilà. Donc ils ont sauvé cet homme et il faut quand même dire qu'il est assez mal en point, hein. Ils sont pas sûrs de le récupérer, mais en tout cas il s'en est sorti. Et donc le shérif a expliqué qu'effectivement, ça c'est quand même assez drôle, hein, c'est un petit peu représentatif de la mentalité américaine peut-être, il a dit bon oui c'est vrai c'était un drogué, bah, c'est quand même une vie humaine. Donc c'est à deux doigts de dire bon on aurait pu le laisser crever finalement. Voilà. On a hésité quoi. Voilà, à Palm Bay, toujours en Floride, nous avons un homme qui... les deux dernières histoires là, de cette série d'infos insolites, c'est un peu des histoires de héros du quotidien. Voilà, des messieurs tout le monde qui tout à coup, il s'illustre par un acte d'héroïsme ordinaire, on va dire. Donc là, on a cet homme, parce que c'est vrai, là par exemple, vous allez voir, on se dit qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Donc, il a 44 ans, il s'appelle Kevin Williams, il est dans sa maison, il descend à la cuisine sûrement pour prendre un verre d'eau, et puis tout à coup, qu'est-ce qu'il voit ? À travers la fenêtre de sa cuisine, il voit un homme en train d'essayer d'ouvrir avec un tournevis la porte de sa maison. Alors, là... Son sang ne fait qu'un tour, il sait que cet homme va pénétrer dans la maison d'une minute à l'autre, il sait pas s'il va violer sa femme, s'il va tuer ses enfants, donc il se dit, il faut que je protège ma maison. Là, il n'écoute que son courage, et il saisit un casque de football américain. Voilà, on aurait pu penser à un autre accessoire, hein, surtout en Amérique et en Floride en particulier, où il aurait pu sortir un gun, mais non, il prend un casque de football américain, il attend le voleur, qui ne manque pas de pénétrer dans la maison, et il l'assomme à coups de casque de foot américain. Ça doit faire mal, hein, quand même. Il le met minable. C'est violent, quand même. Il commence par la tête, et puis il finit par le corps, donc. Alors, tiens, il sort les pieds. Le cambrioleur est mis hors d'état de nuire à un coup de casque de foot américain, je le rappelle. Et donc la police l'a arrêté par la suite. Hein. Il s'appelle donc Michael Elliott Brown, ce cambrioleur, il a 30 ans. Et il a été évidemment inculpé pour tentative de cambriolage. Par contre, donc, l'homme qui l'a assommé, lui, n'a rien eu à craindre, alors que le cambrioleur aurait pu porter plainte pour coups et blessures. Bah, surtout qu'apparemment, il y a un peu de l'acharnement dans ce que tu décris. Ah oui, il a donné trois coups, c'est bon, quoi. Il est allé jusqu'au bout, c'est clair. Hein. Voilà, il a pas juste assommé pour se protéger, machin. Ouais, après, il a bien défoncé, là. Voilà, mais c'est vrai qu'on se demande ce qu'on aurait pu faire à sa place. Parce que voilà, c'est typique de la personne qui n'a pas forcément un arsenal pour accueillir les éventuels bandits qui peuvent rentrer chez lui. Et donc c'est vrai qu'on peut se projeter à la place de ce mec-là. On se dit, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Il faut trouver un objet assez lourd, assez dur, qui peut faire assez mal. Puis il faut y aller, quoi. Tu sais pas si l'autre, il va arriver avec un gun, avec un couteau. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut acheter une petite bête de baseball. À Berlin, enfin, pour terminer, le père de deux enfants. Et alors lui... c'est vraiment le héros du quotidien du jour. On l'applaudit alors. C'est John McClane, quoi. C'est Bruce Willis. Vous allez voir que c'est un truc de fou. J'ai pas encore raconté l'histoire. Alors, on dirait que ça sort d'un film, très clairement. Alors, on sait pas si le mec était un ancien légionnaire, un ancien mercenaire, on ne sait pas. Donc, c'est le père de deux enfants. Ça se passe en Allemagne, donc. Et il a sidéré littéralement les autorités parce que, donc, il a poursuivi un voleur de voiture. Donc pour l'instant, voilà, vous me direz rien d'exceptionnel finalement. Il poursuit ce voleur de voiture et il appelle la police pour leur dire « Bon, je prends en chasse là, un voleur de voiture, il a 43 ans, cet homme, ce père de famille. » Et il dit que il a suspecté la personne parce qu'il a une conduite bizarre, etc. Donc il lui part au cul. Je pense qu'il a volé la voiture. À l'eau centrale, je poursuis un suspect, tranquille. Et le truc, c'est Remets-moi une patrouille. Quand il part à la poursuite de ce voleur, il est avec sa femme et ses deux enfants dans la voiture. Hein. D'accord. Alors, c'était un show quand même. Il lui fonce dessus sur le voleur. Attachez à votre ceinture. Il neutralise la voiture et réussit à l'arrêter. Donc il explose la voiture du voleur. Au moins il aura pas volé. Je suis sûr qu'il a volé. Ce qui provoque donc de sérieuses blessures chez ses deux enfants et chez sa femme. Donc vous me direz, bon là c'est qu'un moyen pour. Chérie, j'ai bouffé le pare-brise. On l'a eu. Mais ça s'arrête pas là, puisque le voleur de 29 ans réussit à redémarrer la voiture. Boum. Et là à ce moment-là, le père sort de sa caisse, il saute sur le toit du véhicule, et alors que la voiture est en train de rouler et que lui il était sur le toit, il prend son téléphone, il appelle la police. Et il prend le temps de leur expliquer vers où se dirige le voleur distinctement. Et en plus, la police explique qu'il était en train d'essayer de calmer le voleur alors qu'il était sur le toit, quoi. Et la voiture roulait. Donc on sait pas ce qu'il a dû lui dire, mais le voleur, au bout d'un kilomètre à peu près, s'arrête. Mort. Le voleur finit par s'arrêter. Et il laisse. Où que tu ailles, je te suivrai. Bon, j'arrête, c'est bon. C'est un truc de fou, quoi. Il laisse l'homme descendre de la voiture et il est arrêté un peu après, donc par la police de la route. Rends-toi ! Voilà. Alors en plus, donc, sa famille était blessée, il les a laissés dans la bagnole pour sauter sur le toit de la voiture. Ah ouais, c'était de l'acharnement, quoi. Comme je vous dis, c'est Bruce Willis. Est-ce qu'on a le droit de l'applaudir maintenant ? Alors on peut l'applaudir, là. Bravo. Bravo, monsieur. Voilà, il avait même pas de casque de football américain. Comme quoi, on peut tout réussir sans son casque. Pour finir ceci. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'était la dernière info insolite de cette émission. Donc il nous reste quelques minutes. Non, on dit au revoir là. Tu veux dire au revoir ? Tu veux balancer tout ce qu'il faut balancer ? Oui. Eh bien c'est très bien, on se dit au revoir. Si vous nous écoutez en direct vendredi soir, juste après, c'est Tapage Nocturne, l'émission métal. Si vous nous écoutez mardi en rediffusion, eh bien bonne journée à vous. Ce soir, il y a Vision Décalée avec Abdelmalik. Ah, il le dit systématiquement. C'est vrai, si vous nous écoutez mardi, ce soir, dans Vision Décalée, à 20h30, il y a Abdelmalik. Abdelmalik Haïm dans les studios, faites-vous plaisir. Restez sur Rage, passez une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Bisous, bye bye. Salut. Eh, pas de coquinerie, hein.